me l'a raconté. J'suis dans le cartel, pas plus beau qu'à Radégou. Et pas du genre à montrer. J'suis des quartiers, donc très tôt la rage découvre. Ah, c'est grave dégueu. Plusieurs journées, on reste debout. Donc y'a moins de studio, j'vois le 2-2. À ceux qui suivent un dealer qui tiennent le coup. En descente, mon frère. Je sais déjà, je pense par où l'ami. Illicitaire, terre, repère. J'opère, ça rouvre la mif. Et le cabriolet direct à 200 ans. C'est carré, deux blocs de 40, j'mets pas 200 ans. Frérot, tranquille ou quoi, il te fallait quoi? Cache la bécane, j'y veux les pas, ma gueule en descendant. Charbonneur OP. Ah, tu sais ce qui se passe dans la zone. Argent sale, ok. À part ça, y'a rien dans la zone. Et que répare le boîte. J'ai plus chiffre d'affaires d'Amazon. La police a nos potes. Tu sais que c'est pareil dans ta zone. Je me réveille, je suis en pétard. Dans 30 minutes, ça bosse, c'est embêtant. DN, scooter en zipper. Je suis dans la cité pour ma masse, c'est inquiétant. Je suis dans le quartier, je fais que m'accrocher. Je me dis, je me prends des vacances le mois prochain. On fera tout pour remplir sa poche. Mais je suis mal que si un subi m'approche. T'as capté, je suis comme toi, ok. Je fais du son, c'est comme ta popé. Sur terrain pour avoir troublé, cramponné 22 et puis faut galoper. Souvent, on pense à l'oseille. Et tu sais, j'ai la dalle au fait. Big up au charbon, l'usine. Yo, clip pris pour un autre offert. Charbonneur OP. Ah, tu sais ce qui se passe dans la zone. Argent sale, ok. À part ça, y'a rien dans la zone. Et que répare le boîte. J'ai plus chiffre d'affaires d'Amazon. La police a nos potes. Tu sais que c'est pareil dans ta zone. Charbonneur OP. Ah, tu sais ce qui se passe dans la zone. Argent sale, ok. À part ça, y'a rien dans la zone. Et que répare le boîte. J'ai plus chiffre d'affaires d'Amazon. La police a nos potes. Tu sais que c'est pareil dans ta zone. Hey, tu le sais. Par contre, la moto volée en épaisse. Tu l'as fait. Quelque part, c'est que pareil, on est fait. Oui, on est fait. Policiers à drogue, aveugle, on peut t'aimer. On est prêt. Secteur quadrillé, scooter, VTT. Hey, tu le sais. Par contre, la moto volée en épaisse. Tu l'as fait. Quelque part, c'est que pareil, on est fait. Oui, on est fait. Policiers à drogue, aveugle, on peut t'aimer. On est prêt. Tu sais ce qui se passe dans la zone. On est prêt.